Le mystère de l'accident du Boeing de la Korean Airlines qui s'est écrasé avant-hier dimanche à la frontière thaïlando-birmane. La Corée du Sud s'est lancée dans une chasse sans merci aux espions venus de Corée du Nord. La tension est ravivée par les aveux d'une jeune femme accusée d'avoir posé une bombe dans un avion de la Korean Airlines il y a 2 mois. Kim Hyun-hae, l'espionne de la Corée du Nord, responsable en 1987 de l'explosion d'un Boeing sud-coréen qui provoqua la mort de 115 personnes. Après l'attentat, la tension était telle qu'on crut à la reprise de la guerre entre les deux Corées, cette guerre en suspens depuis 70 ans. Conformément aux ordres du propre fils du dictateur Kim Il-sung, la jeune femme, accompagnée d'un complice, avait déposé une bombe dans l'avion avant de descendre la première escale. La bombe avait bien explosé, mais l'espionne, qui se faisait passer pour une touriste japonaise, a été rapidement arrêtée. Interrogée, avant d'avoir pu ingérer sa capsule de cyanure, elle a fini par avouer. Kim Hyun-hae était donc une espionne nord-coréenne, formée depuis des années, comme beaucoup de ses compatriotes, à devenir une machine à tuer. Elle sera jugée et condamnée à mort à Séoul, la capitale du Sud, avant d'être finalement graciée. Une histoire dont toute la Corée du Sud et tout le Japon parlent aujourd'hui. Celle de Kim Yon-hui, c'est cette jeune femme qui en novembre dernier avait posé une bombe dans un Boeing de la KL, entraînant la mort de 115 passagers. François Gau. Kim a 26 ans, elle a été entraînée, affirme-t-elle, dans un camp militaire près de Pyongyang, la capitale de Corée du Nord. Lors de son arrivée à Séoul, l'armée de Corée du Sud a été placée en état d'alerte pour contrer d'éventuels actes de représailles venus du Nord. Kim ne nie pas son crime. Elle dit même « Il est naturel que je sois puni et tué 100 fois pour cela ». Elle ajoute avoir été touchée par la vitalité des Coréens du Sud et par leur liberté. Et sa confession réussit à émouvoir les Sud-Coréens. Aujourd'hui, beaucoup sont convaincus qu'elle a subi un lavage de cerveau. En tout cas, tout le monde s'intéresse à son sort. Une société de production a même décidé de réaliser un film sur son histoire. Kim, dit-elle la vérité ? Sur ce point précis, personne ne s'aventure. François Gau, Tokyo, France Inter. Dit-elle la vérité ? La question reste entière aujourd'hui. Il n'empêche, malgré la gravité de son crime, le récit que Kim donnera de sa vie, ses aveux en direct à la télévision, ses larmes et sans doute aussi sa jeunesse et sa beauté vont émouvoir et passionner le public sud-coréen. Des années plus tard, l'ex-espionne devenue une repentie et donc une traîtresse pour le Nord racontera son incroyable vie dans un livre. Et surtout, très souvent sollicitée par les médias, Kim Hyun-hae permettra par ses témoignages de lever un peu le voile sur la Corée du Nord, sur la vie quotidienne de ses habitants, mais aussi les activités de ses services secrets. Pour ses compatriotes du Sud, le visage enfantin de cette jeune femme qui pleure devant les caméras de télévision symbolise à lui seul le drame de la guerre fratricide et absurde que se mènent le Sud et le Nord depuis 70 ans. Un même peuple, une même langue, une culture commune très riche et ancienne, mais des systèmes politiques diamétralement opposés, séparés par une frontière hermétiquement fermée et une paranoïa farouche. Comme le montre ce reportage de France 2 en 2016. Nous découvrons l'un des endroits les plus surveillés de la planète. La zone frontalière entre les deux Corées. De l'autre côté de cette route, à quelques mètres, c'est la Corée du Nord. Des soldats du régime sont en faction. Le bâtiment de 3 étages en face de nous s'appelle Panmunjom. C'est un poste d'observation pour les Nord-Coréens. Il y a 5 bâtiments sur cette route. Les bâtiments bleus appartiennent au commandement des Nations Unies et les bâtiments gris sont à la Corée du Nord. La frontière est marquée entre ces 2 bâtiments par une ligne de béton. Dans cette zone sous tension, les soldats s'observent en permanence. Le long de la frontière s'étend un no man's land couvert de forêts et truffé de mines, un vestige de la guerre froide. Jusqu'en 1945, la Corée vivait sous domination japonaise. Après Hiroshima et la défaite du Japon, la Corée est libérée puis occupée par les Alliés. Au nord, par les Soviétiques, au sud, par les Américains. Deux zones séparées par le 38e parallèle qui vont vite devenir deux États. La Corée du Sud, capitale Séoul, sous influence américaine, et la Corée du Nord, sous influence soviétique et chinoise, capitale Pyongyang. Un État communiste qui sera bientôt le plus fermé et le plus pauvre au monde, avec à sa tête un dictateur, le terrifiant Kim Il-sung, auquel succéderont son fils, Kim Jong-il, et son petit-fils, Kim Jong-un, toujours au pouvoir en 2022. Les deux États sont séparés, mais chacun revendique la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et le 25 juin 1950, le pays dit du matin calme est réveillé à l'aube par de violents combats à la frontière. Le gouvernement nord-coréen d'inspiration communiste, prétextant des attaques de postes frontières, donnait subitement ordre à ses troupes de marcher sur Séoul. Sur la demande du gouvernement américain, le Conseil de sécurité siégeait en session extraordinaire en l'absence du délégué soviétique. L'attention du monde reste fixée sur la Corée. La Corée du Nord vient par surprise d'envahir le Sud. C'est le début de la guerre de Corée, un des tout premiers conflits de la guerre froide. La riposte militaire des Nations Unies, menée par le général MacArthur, donne rapidement l'avantage au Sud. Cette guerre effroyable, avec près d'un million de morts, surtout des civils, d'autant plus absurde qu'elle n'aboutit à aucun changement territorial, s'achève en 1953 par un armistice signé à Panmunjom. Dans cette pagode de la paix construite pour la circonstance, le général Harrison, au nom des forces de l'ONU, et le général Nam Il, au nom des forces sino-coréennes, signaient l'armistice dans un silence effrayant et se retiraient sans un mot, sans un salut. La guerre s'est arrêtée, mais les visages sont restés fermés. C'est tout de même l'armistice, une promesse de paix. De combien de deuils, de combien de souffrances, de combien de ruines cette promesse aura-t-elle été payée ? Un armistice et non un traité de paix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, les deux Corées sont officiellement toujours en guerre. Depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui, les incidents sont très fréquents entre le Nord et le Sud. En 1987, l'explosion du Boeing sud-coréen, causée par la bombe de Kim Min-hee, sera une des crises les plus graves. Mais le lieu géographique le plus sensible, c'est bien sûr la fameuse DMZ, Demilitarized Zone, la zone dite démilitarisée de 4 km de large qui entoure la frontière sur toute sa longueur et qui la rend infranchissable. La DMZ est un lieu mythique de la guerre froide, au même titre que le mur de Berlin ou le pont des espions. La DMZ a elle aussi son pont mythique, qui enjambe les deux zones. Le pont dit de non-retour, tout un programme. Dans le James Bond meurt une autre fois, l'espion, joué par Pierce Brosnan, est en mission en Corée du Nord lorsqu'il est capturé et torturé par le terrible général Moon. Conduit sur le pont de non-retour, James Bond va être échangé contre un espion ennemi. Vous voilà au bout de la route, monsieur Bond. Faites-moi grâce de vos métaphores. Voilà plus de 50 ans que les superpuissances ont découpé la Corée en deux. Et qu'est-ce qu'on nous envoie ? Un espion anglais, un assassin. Et pour les durs de notre régime, c'est la preuve qu'il n'y a rien à attendre de l'Ouest. Tournez-vous. Tourne ! Avancez ! Rassurez-vous, ils ne tireront pas, on ne tue pas James Bond. Mais dans la vraie vie en Corée, de graves incidents qui auraient pu raviver la guerre surviennent en 1968. Le 17 janvier, un commando d'agents nord-coréens réussit à traverser la DMZ, sans doute par des tunnels. Leur objectif, assassiner le président sud-coréen à la Maison Bleue, sa résidence officielle à Séoul. Le commando réussit à atteindre la capitale mais à seulement 100 mètres de la Maison Bleue, il est arrêté à un contrôle. La plupart des hommes du commando sont abattus. Un échec cuisant pour le Nord, mais qui révèle au monde la détermination de Pyongyang à déstabiliser le Sud, quel qu'en soit le coût humain. Mais à peine est-elle terminée, qu'en janvier 68, cette affaire est éclipsée par une autre qui sera à deux doigts de mettre le feu aux poudres. L'affaire du Pueblo, racontée à l'époque par le journaliste Michel Honorin. Mardi 4h GMT, 5h à Paris, un navire américain dit d'observation, en fait l'équivalent maritime d'un avion U-2, croise au large des côtes de Corée du Nord. Trois patrouilleurs nord-coréens l'encadrent et lui ordonnent de les suivre dans le port de Wonsan. Ce navire, c'est le Pueblo. À son bord, 83 hommes d'équipage qui résistent aux Nord-Coréens. L'un est tué, trois autres sont blessés. À Washington, le président Johnson est réveillé. Monsieur Dean Rusk déclare qu'il s'agit d'un acte de guerre et qu'il serait plus sage pour la Corée du Nord de rendre le navire et l'équipage. Mardi, Moscou sollicité refuse sa médiation. Dans le monde entier, on redoute la guerre. L'affaire du Pueblo qui montre que le régime de Pyongyang n'est pas seul à espionner. Les 82 Américains arrêtés seront enfermés pendant presque un an dans un camp de prisonniers en Corée du Nord. On le saura plus tard, ils seront maltraités, affamés et torturés, subissant des simulacres d'exécution. You will confess your crimes all again, from the beginning, everything over again. Insincere bastards, you will confess, your government will confess, you will apologize, your government will apologize. Les Nord-Coréens enverront aux États-Unis des photos des prisonniers. Sur ces clichés, on les voit en apparence bien traités et en bonne santé. Mais un détail n'échappera pas aux observateurs attentifs. Tous les prisonniers sur les photos font des doigts d'honneur. Un signe qui, semble-t-il, n'appartient pas à la culture coréenne. Mais qui, en l'occurrence, permet d'envoyer un message à Washington « Ne croyez pas un mot de leur propagande ». En 1968, l'affaire du Pueblo fait trembler le monde pendant des mois. Le président Lyndon Johnson menace d'utiliser l'arme atomique. L'opinion américaine se passionne pour le sort des prisonniers qui finiront en décembre par être libérés. La série culte de science-fiction des années 60, Star Trek, dans un épisode tourné en 1968, s'inspire de l'affaire du Pueblo. Transposé bien sûr dans l'espace. À bord du vaisseau spatial, tout semble aller bien, lorsque soudain, il est victime d'une attaque de ses ennemis, les Romuliens, qui vont l'arraisonner. Ils ne sont pas nord-coréens, mais c'est tout comme de vrais extraterrestres. Pendant que les petits Américains se passionnent pour Star Trek, Monsieur Spock et ses oreilles pointues, en Corée du Nord, toute la société est sur le pied de guerre, même les enfants. Kim Min-hee se souvient très bien de la crise du Pueblo en 1968. Elle n'avait pourtant que 6 ans. On nous avait dit que pour écraser les impérialistes américains, il nous faudrait acheter des armes à l'étranger. C'est pourquoi on nous envoyait tous les jours, pendant des heures, ramasser dans les rues des morceaux de ferraille, des bouteilles et autres objets recyclables afin de les revendre ensuite contre des devises étrangères. Nous avions des quotas à respecter et les enfants qui ne remplissaient pas leurs contrats étaient réprimandés en public. Les ordres de Kim Il-sung, même les plus délirants, doivent être exécutés à la lettre. Et les enfants sont priés de dénoncer les adultes désobéissants. Nous étions envoyés en patrouille dans les rues pour contrôler la tenue vestimentaire des passants. Si quelqu'un n'avait pas épinglé à son revers le badge de Kim Il-sung, nous, les enfants, nous leur demandions leur identité. Et ils étaient immédiatement signalés à leur contremaître sur leur lieu de travail. Dans le livre qu'elle publiera en 1993, « Dans la fosse au tigre », Kim Min-hee évoque longuement son enfance pour tenter de comprendre comment elle en est arrivée à devenir une espionne et une tueuse. Un livre écrit bien sûr après sa libération de prison et sa conversion idéologique et qui, on s'en doute, donne une vision très conforme à celle qu'attend le gouvernement de Séoul. Mais intéressant quand même pour ce qu'il révèle de l'endoctrinement en Corée du Nord qui commence dès la petite enfance. La plus grande partie de la journée à l'école était consacrée à l'enseignement de la doctrine de Kim Il-sung. Et tous les élèves étaient inscrits à des activités extrascolaires à caractère idéologique, si prenantes qu'il leur arrivait de ne pas rentrer chez eux avant 10 heures du soir. Kim Min-hee fait peut-être partie de ces petites filles maquillées et habillées en poupées que l'on force à chanter et danser devant le chef suprême, Kim Il-sung, qui règnera en souverain absolu jusqu'à sa mort. Bruno Mazur sur Antenne 2, le 9 juillet 1994. La presse de son pays le qualifiait alternativement de grand leader, de chef génial et bien-aimé, de héros bienfaiteur du peuple ou encore de soleil de la Corée. Kim Il-sung était l'un des personnages les plus secrets et les plus inquiétants de l'histoire contemporaine. Stéphane Magnier. Il adorait ces fêtes où des milliers de petites filles animaient des tableaux humains. C'était le fruit d'une coordination parfaite, comme celle que donne un peuple embrigadé depuis l'enfance sous la férule implacable d'un dieu vivant. Kim Il-sung avait éradiqué toute opposition, jusqu'à l'ombre d'une contestation. Il contrôlait tout, l'information, l'école, les frontières, son peuple, et le seul au monde à ne rien savoir de ce qui se passe, ni chez lui, ni ailleurs. Parce qu'elle est jolie et bonne élève, et sans doute aussi parce qu'elle est particulièrement docile, la petite Kim est sélectionnée pour jouer dans un film de propagande à la gloire de la patrie. À l'école, elle est nommée chef d'équipe. Après un service militaire obligatoire, la jeune fille est autorisée à suivre des études. Elle décide de s'inscrire en licence de japonais. Plus tard, elle s'en mordra les doigts, quand elle comprendra que si elle n'avait pas étudié le japonais, jamais elle n'aurait été recrutée comme agent secret. Mais comment aurait-elle pu imaginer les conséquences d'un tel choix ? À 18 ans, alors qu'elle est en deuxième année de japonais, Kim Min-hee est convoquée un jour dans le bureau du directeur où l'attend un membre du comité central du parti. Camarade Min-hee, connais-tu les quatre principes de base du parti ? Bien sûr, déification, foi, absolutisme et dévouement inconditionnel. Pourquoi est-ce que tu étudies le japonais ? Pour aider notre pays à vaincre le Japon. Que feras-tu après tes études ? Je ferai ce que le parti me demandera de faire. Kim Min-hee, serais-tu capable de mourir pour le parti ? Je ferai tout ce que le parti me demandera de faire, même donner ma vie. Nous sommes en 1980. Kim Min-hee, après un examen médical pour vérifier sa virginité, est recruté par les services secrets, sans qu'on lui demande son avis. Dès le lendemain, fier d'avoir été choisi, Kim fait ses adieux à ses parents. Des parents, on l'imagine, moins enthousiastes et moins aveugles aussi sur le sort de leur fille. Mais il est impensable de critiquer les décisions du parti. Kim Min-hee est emmenée très loin de Pyongyang, dans un camp d'entraînement au milieu de nulle part. Elle va vivre là 3 ans et suivre une formation intensive d'agents secrets. Entraînement physique, arts martiaux, maniement des armes, armes blanches et armes à feu, apprentissage du japonais et bien sûr, l'inévitable enseignement de la pensée de Kim Il-sung, un véritable bourrage de crâne. À cette époque, dira-t-elle, elle fut poussée à l'extrême limite de la résistance du corps et de l'esprit. Et sans presque jamais voir sa famille, Kim Min-hee devient en 3 ans une espionne d'élite, prête à donner sa vie pour le parti. C'est pendant sa formation que Kim se lie d'amitié avec sa professeure de japonais, une japonaise originaire de Tokyo qui, des années auparavant, un soir où elle se promenait avec ses enfants sur la plage, dans son pays, avait été enlevée par des agents nord-coréens et emmenée jusqu'à ce camp pour enseigner sa langue aux futurs espions de Kim Il-sung. Depuis, sa famille au Japon était sans aucune nouvelle d'elle. C'est le livre de Kim Min-hee en 1993 qui lui révélera la vérité. En 1984, Kim Min-hee reçoit sa première mission. une mission qui ressemble étrangement à des vacances. Pendant plusieurs mois, chose impensable pour l'immense majorité de la population, Kim va sortir de la Corée du Nord, en compagnie d'un vieux routard de l'espionnage. Ensemble, ils voyagent en Europe avec des passeports japonais sous les faux noms de Shinichi et Mayumi Ashiya, un père et sa fille. Pour l'instant, l'objectif de la mission, qui lui échappe totalement, est de tester sa capacité à parler le japonais, à s'acclimater à l'étranger et surtout à ne pas éveiller de soupçons. Le test, semble-t-il, est concluant, car quelque temps après son retour, Kim est appelé au siège des services de renseignement à Pyongyang. Après un dédale de couloirs, la jeune femme est introduite dans une pièce sans fenêtre, éclairée au néon, où elle retrouve le vieil espion qu'elle avait accompagné en Europe. Le chef des services secrets nord-coréens qui les accueille allume une cigarette et, s'adressant à eux, n'y va pas par quatre chemins. Camarades, la mission que je vous confie consistera à détruire un avion sud-coréen. Kim Min-hee le regarde, médusé. L'ordre a été donné par notre leader bien-aimé, Kim Jong-il, en personne. C'est sans doute la mission la plus importante jamais confiée à nos services depuis leur création. Le destin de notre pays en dépend. Le directeur explique aux espions leur mission. L'objectif final est, dit-il, de semer le désordre en Corée du Sud et d'accélérer la réunification du pays. Mais par quels moyens ? Et pourquoi maintenant en 1986 ? Ce que la Corée du Nord alors ne peut accepter, c'est une décision annoncée 5 ans plus tôt, en 1981. C'est officiel, les Jeux Olympiques 1988 auront lieu en Corée du Sud, à Séoul, pour les Jeux d'été. Séoul a obtenu une confortable majorité lors du vote des membres du Comité international olympique. On a oublié les considérations politiques, la Corée du Sud est un régime très ferme, les droits de l'homme sont quelque peu oubliés là-bas, mais seul compte le sport, comme le souligne un des membres du CIO, Maurice Herzog, au micro de Fabrice Balédan. Ce problème a été étudié, mais vous savez qu'avec l'Allemagne, vous vous en souvenez, il y avait eu des difficultés de ce genre, elles ont été surmontées, et il y a eu dans le passé des cas encore beaucoup plus graves. Dans le cas présent, bien sûr, la Corée du Nord ne se montrera pas particulièrement coopérative dans cette affaire, nous le savons à l'avance. Mais les pays socialistes dans l'ensemble, sans être chaleureux, accepteront tout de même, je le crois, de participer à ces Jeux de Séoul. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'histoire politique comme nous en avons connu, hélas, dans un passé récent. Hélas, hélas, il ne suffit pas d'espérer. En réalité, la décision du CIO ne passe pas du tout à Pyongyang. Le dictateur et son fils sont très en colère d'apprendre que les prochains JO se tiendront non pas chez eux, mais en Corée du Sud. Si en colère qu'en 1987, ils décident de mettre à exécution leur projet terroriste dans le but de faire annuler les JO de Séoul. En détruisant cet avion, nous voulons semer le chaos de l'autre côté du 38e parallèle. Les autres nations n'oseront pas y envoyer leurs athlètes. Et vous, vous reviendrez au pays en héros. Mais si l'un d'entre vous se fait prendre, il devra absorber le cyanure avant tout interrogatoire. En écoutant le chef des services secrets, Kim Min-hee, en bonne petite soldate, est partagé entre la fierté d'avoir été choisi et la peur de ne pas être à la hauteur. Et sûrement aussi un peu la peur de mourir. En revanche, elle le reconnaîtra plus tard dans son livre, à aucun moment elle ne se pose la question de la moralité d'un tel acte criminel. Le 12 novembre 1987, soit 10 mois avant l'ouverture prévue des JO de Séoul, Kim Min-hee et son collègue espion décollent de l'aéroport de Pyongyang dans un vol Aeroflot à destination de Moscou. Ils s'apprêtent à accomplir un périple compliqué qui a pour but de brouiller les pistes. De Moscou, ils repartiront pour Budapest en Hongrie, alors pays satellite de l'Union soviétique. Ensuite, destination Vienne. Le 18 novembre, dans une voiture diplomatique de l'ambassade nord-coréenne, ils passent clandestinement la frontière autrichienne, qui est aussi la frontière entre l'Est et l'Ouest. Vienne, au carrefour de l'Europe centrale, à quelques centaines de kilomètres seulement du rideau de fer, Vienne est véritablement la plaque tournante de l'espionnage pendant la guerre froide. C'est là que nos deux espions nord-coréens vont changer d'identité. Ressortant leur faux passeport japonais, ils redeviennent Mayumi et Shinichi Ashiya, le père et sa fille, deux Japonais en goguette en Europe. À Vienne, comme tous les touristes, ils visitent les monuments, les églises, les musées. Mais le soir, quand ils rentrent à l'hôtel, au lieu d'écrire des cartes postales, les deux espions dans leur chambre s'exercent sur une bombe factice au réglage de la mise à feu. Pour poursuivre leur mission, ils doivent maintenant récupérer leur billet d'avion. Kim et son complice ont rendez-vous dans un des nombreux parcs de la ville. À l'heure et au lieu prévu, alors qu'ils sont assis sur un banc, une femme asiatique élégante passe devant eux sans un regard et sans s'arrêter, mais en prononçant le mot de passe attendu, Nakayama. Sans presser le pas, la jolie dame s'éloigne et d'un geste en apparence naturelle, jette un papier dans une poubelle. Quelques minutes plus tard, Kim Hyun-hee récupère l'enveloppe qui contient les billets. Après encore 3 jours à visiter Vienne, les faux touristes vrais espions embarquent le 23 novembre pour Belgrade, la capitale alors de la Yougoslavie socialiste. C'est à leur hôtel, l'hôtel Metropolitan, chambre 811, que deux officiers traitants nord-coréens leur déposent un précieux colis, la bombe. La vraie bombe cette fois, signe bien concret que le jour J approche. Le détonateur et l'explosif sont dissimulés dans un transistor de marque japonaise, tandis qu'un explosif liquide, contenu dans une fiole de cognac, doit servir à intensifier l'explosion. 28 novembre 1987. Parti le matin de Belgrade, Kim Hyun-hee et son complice atterrissent dans la soirée à Bagdad, en Irak. Ils ont 3 heures à attendre avant d'embarquer dans le fameux vol 858 des Korean Airlines en partance pour Séoul, mais qui, on le sait, n'arrivera jamais à destination. 20 minutes avant l'embarquement, le complice de Kim se rend aux toilettes, s'enferme dans une cabine, sort de sa sacoche le transistor et, comme il l'a appris, règle le détonateur de telle façon que l'explosion se produise dans 9 heures. Le compte à rebours est lancé. À 23 heures, les deux faux Japonais montent dans l'avion au milieu des autres passagers. Tous des Sud-Coréens, qui leur ressemblent, parlent la même langue qu'eux et que pourtant, ils s'apprêtent à assassiner. La plupart sont des ouvriers qui travaillent sur des puits de pétrole irakiens et qui rentrent chez eux en vacances. Alors qu'à 23h30, l'avion décolle, Kim, conformément aux ordres, a déposé le transistor et la fiole de cognac dans le coffre à bagages au-dessus de leur siège. 1 heure plus tard, à l'escale d'Abu Dhabi, les deux espions descendent de l'avion, en oubliant à bord, bien sûr, le transistor et la bouteille. Le 29 novembre, il est environ 14h30 quand la dernière communication du vol 858 est captée par la tour de contrôle de l'aéroport de Rangoon en Birmanie. Corée du Sud, à l'aéroport de Séoul, où l'on a perdu tout contact avec le vol 858, une cellule de crise est montée en urgence. Le commandant de l'avion n'a signalé aucun problème technique ou lié à la météo. Étant donné que les prévisions de la journée étaient excellentes sur toute la zone, je suis désolé de le dire, mais il est possible que nous ayons affaire à un détournement ou à un accident. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Catastrophe aérienne, un appareil sud-coréen avec 115 personnes à bord disparaît mystérieusement au-dessus de la Birmanie. Le correspondant de NBC News à Séoul s'est rendu à l'aéroport. Les familles et les proches des passagers du vol 858 ont appris à la télé que l'avion avec 115 personnes à bord avait disparu. Certains sont dans un état de choc. On espère qu'il ne s'agit pas d'une tragédie aérienne. Keith Miller, NBC News, Seoul. Pendant qu'à l'aéroport de Séoul, les familles attendent désespérément des nouvelles du vol 858, que font les deux espions nord-coréens ? Le plan imaginé par leur chef a parfaitement fonctionné jusqu'à l'explosion de l'avion. Mais celui prévu pour exfiltrer les deux agents est nettement moins bétonné. À Abu Dhabi, les deux Nord-Coréens, à cause de problèmes de visa, ne réussissent pas à embarquer sur le vol prévu et se voient contraints d'en prendre un autre pour Bahreïn, dans le golfe Persique. C'est là, à l'aéroport de Bahreïn, qu'ils sont arrêtés quand on découvre que leurs passeports japonais sont des faux. Conduits dans une salle pour y être interrogés, les deux espions demandent l'autorisation de fumer. Le complice de Kim, le premier, choisit dans son paquet l'unique cigarette marquée d'un trait noir, l'allume et la porte à ses lèvres. Immédiatement, il s'écroule, raide mort. Alors que Kim fait de même, les policiers, comprenant que les cigarettes sont imbibées de cyanure, se jettent sur elle pour l'arrêter. C'est ce qui va lui sauver la vie, et du même coup, c'est ce qui permettra aux Coréens de connaître la vérité. Entre-temps, à Séoul, les enquêteurs, en consultant la liste des passagers, ont vite été intrigués par les noms de deux voyageurs japonais, descendus à l'escale d'Abu Dhabi. La jeune femme, qui prétend toujours être une touriste japonaise, est transférée en Corée du Sud, où après 3 semaines d'interrogatoire, elle finit par avouer. Alors que les Sud-Coréens pleurent leur mort, les aveux de Kim, lors d'une conférence de presse diffusée à la télé, font sensation. C'est elle qui a fait exploser un avion sud-coréen avec 115 personnes à bord en novembre dernier. Devant les caméras, la jeune femme arrêtée après l'attentat avoue avoir agi sur ordre de la Corée du Nord. Objectif, déstabiliser Séoul avant les Jeux Olympiques. Pyongyang rejette ses accusations. Kim Jong-hee, cette jeune femme de 26 ans, la voici à l'occasion de ses aveux devant les caméras de télévision. Aujourd'hui, la terroriste nord-coréenne estime mériter 1000 fois la mort. Séoul, pour sa part, exige maintenant des excuses de son voisin Pyongyang sous peine de représailles. L'armée sud-coréenne a d'ailleurs été mise en état d'alerte maximum. Face aux accusations de Séoul, Pyongyang désavoue son espionne et affirme que cette jeune femme exhibée à la télévision n'est qu'une agente fabriquée par le Sud pour discréditer la Corée du Nord. Mais pour Séoul, la culpabilité de Pyongyang dans l'attentat ne fait aucun doute, ni pour Washington, qui décide de placer la Corée du Nord sur la liste des pays soutenant le terrorisme. En avril 1989, le verdict du procès est sans surprise. Kim Min-hee est condamné à mort. Mais pour obtenir sa grâce et bientôt sa libération, Kim Min-hee va probablement conclure un contrat, révéler tout ce qu'elle sait sur la Corée du Nord et surtout devenir une ambassadrice zélée du régime de Séoul. Publier ses mémoires, répondre régulièrement à des interviews sur des télévisions du monde entier. Dès qu'elle en a l'occasion, elle rappelle que la propagande nord-coréenne lui avait mis dans la tête que la Corée du Sud était un pays miné par la pauvreté et la corruption et qu'à son arrivée à Séoul, elle a été frappée par le bien-être et la liberté des Sud-Coréens. C'est elle aussi qui révèle au monde de nombreux kidnappings pratiqués par la Corée du Nord à l'étranger, notamment au Japon, sa professeure japonaise dont la famille était sans nouvelles, mais aussi une Française comme Kim Min-hee le raconte dans cette interview pour France 3. Un jour, j'étais dans une de nos résidences réservées à Pyongyang. Et il y avait une cuisinière. Elle m'a raconté qu'auparavant, une Française habitait cette maison. Elle avait été séduite par un espion de chez nous. Il l'avait convaincue de venir avec lui et elle s'était retrouvée à Pyongyang. Arrivée ici, il l'a remise aux officiers supérieurs et il a disparu. Quelques mois après sa condamnation à mort, la jeune femme a été graciée par le président sud-coréen qui a déclaré « Les personnes qui auraient dû être jugées ici sont les leaders de la Corée du Nord. Cette jeune fille est autant une victime de ce régime criminel que les passagers du vol 858. » Mais en Corée du Sud, tout le monde n'est pas d'accord, surtout les familles des victimes de l'attentat. Même si Kim Min-hae a choisi de leur verser tous les bénéfices de son livre. Aujourd'hui, marié à un des officiers de service de renseignement qu'il avait interrogé après l'attentat, converti au catholicisme, l'ex-espionne de la Corée du Nord vit sous protection policière dans un lieu tenu secret. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne-Sophie Ladonne, assistée d'Emmanuel Fournier. Mixage Basile Bocquer est un podcast original de France Inter.